et Roi Jean. Ce digne troubadour, une danse, une ritournelle, faites plaisir à vos belles. Une danse, une ritournelle, faites plaisir à vos belles. Dansez, braves gens, pensez le troubadour. Une danse, une ritournelle sur mon luth des peines. Une danse, une ritournelle sur mon luth des peines. Criez, braves gens, montrez vos beaux atouts. Montrez vos beaux atouts. Une danse, une ritournelle, faites plaisir à vos belles. Une danse, une ritournelle, faites plaisir à vos belles. Chantez, gens des alentours, sur ma balade d'amour. Une danse, une ritournelle, pour se dire des je t'aime. Une danse, une ritournelle, pour se dire des je t'aime. Pour se dire des je t'aime. Une danse, une ritournelle, pour se dire des je t'aime. Se dit le troubadour. Une danse, une ritournelle, faites plaisir à vos belles. Une danse, une ritournelle, faites plaisir à vos belles. Riez, braves gens. Montrez vos beaux atouts. Une danse, une ritournelle, faites danser vos belles. Une danse, une ritournelle, faites danser vos belles. Une danse, une ritournelle, faites danser vos belles.